Donc il y avait bien un peu de Sharon Stone. Moi j'aurais voulu prendre un pseudo Brad Pitt. Mais il est beau et moi je suis moche. Tu as deux entrées. Oui, j'ai deux entrées, mon ami. Apparemment. Sharon Oz. Comme le magicien d'Oz. Non. Oz en oisin. Là, par exemple, j'ai deux entrées, donc j'ai. Bon, le micro en mono, on s'en fout, mais le. Par exemple, oh, c'est difficile de t'appeler double basse, hein. J'ai l'air con quand je t'appelle double basse. Bon, ben double basse. Double. Double basse ou double basse? Bon, double basse, par exemple, tu utilises quoi comme carte son? Que je regarde les caractéristiques de ta carte son. Je pense que tu dois avoir une bonne usine à gaz, comme on dit. Parce que toi, tu as deux pistes stéréo. Qui picole du pastis. Mais il est quelle heure pour voir le pastis? Ah, mais. Putain, ils ont pas fini l'apéro, il est 3h30. C'est le changement d'heure, ça, ils sont perturbés. Et le pastis, en plus, ça explose la tête. Oh, aïe, aïe, ce machin. Après, t'es malade. Faut aimer l'anis. Alors, mon entrée pour le synthé. Ah ouais. Attends, je regarde. Alors, c'est marqué guitare. Après, il y a une barre et il y a marqué line input. Et en fait, quand tu mets. Voilà. Et puis tu. Ah ouais, parce que la guitare, c'est parce qu'il y a un préampli, c'est ça? Sûrement. La carte, bah y a pas, on peut pas commuter mono stéréo donc attends, non tu as juste un truc mono stéréo mais c'est sur la sortie casque, je sais pas pourquoi d'ailleurs. À moins que j'essaye. T'as l'occasion de regarder sur internet, c'est que tu peux m'aider. Alors après j'avais acheté l'Alesi IO4, mais je me suis fait avoir, j'ai acheté l'occasion, enfin je me suis fait avoir. En fait elle a grillé quoi. Et je vais d'ailleurs je vais la vendre sur eBay pas cher, je sais pas moi 10 euros pour quelqu'un qui s'est bricolé. C'est la même avec 4 pistes, sauf qu'elle est en 16,44 et que celle-là est en 24,89. Vous avez pas la caméra, vous, pour que je vous fasse voir? Personne à la caméra là? C'est vrai qu'avec la caméra, hein, si on a une seule gueule. C'est un peu compliqué. Hein. Elle est où ma carte? Ah, alors vous avez pas de caméra sur votre ordinateur, vous? Vous avez pas une webcam? Parce que moi une webcam sur mon ordinateur. Attends, moi je me mets en caméra, tiens. Je vais vous faire voir. Oh, faites pas gaffe au bordel. Hein. Je vais voir la caméra. Tac. Ah, voilà la caméra. Ah, c'est moi! Putain, j'ai grossi. Voilà. Moi, je vends cette carte son pas cher parce que je pense qu'elle a grillé. Ou alors, c'est moi qui ai pas compris. Elle fonctionnait au début et maintenant, elle ne veut plus marcher. Donc, ça, c'est la. la version 4 pistes. C'est ce que je voulais justement pour pouvoir brancher un synthé, un micro, une guitare et que je ne joue plus rien. Je sais pas. Personne a une caméra là ? Ouais, je vais essayer ce que tu me dis là. Je vais essayer. Personne me voit dans la caméra, non ? Faites pas les timides. Je vais essayer. Oh merde, on voit mon cul là. Ah, c'est pas bon, j'enlève la caméra. Je suis tout seul avec la caméra, j'aime pas ça. J'enlève la caméra. Je vais essayer ce que tu m'as dit là. J'en ai un cordon, tiens. Monsieur DB, il est pas con. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une sortie stéréo ? Ah ouais, à ce moment-là, sortie stéréo. Je vais voir. Peut-être. Ça serait cool.